Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, question 71, de l'œuvre du cinquième jour. Les poissons et les oiseaux. Le cinquième jour, qui, comme on l'a vu, correspond au second, les poissons et les oiseaux vinrent servir d'ornement à l'élément à queue, et de là ces paroles, que, les eaux produisent des reptiles à âme vivante. Et des volatiles qui vivront sur la terre. Genèse 1, 20. Dans l'œuvre de distinction, le jour du milieu, le second, avait été consacré à la distinction de l'eau. Il était donc convenable que, parmi les trois jours consacrés à l'œuvre d'ornement, le jour du milieu, le cinquième, fut consacré à orner l'eau par la production des poissons et des oiseaux. Note. Chacun comprend aisément que si l'eau eut la vertu de les produire, c'était une puissance qu'elle tenait de Dieu, de qui, maintenant encore, la semence et les astres reçoivent cette propriété. Par l'eau qui produisit les oiseaux, il faut entendre la partie inférieure de l'atmosphère qui se charge des exhalaisons aqueuses. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.